Il est 19h sur Radio Arc-en-Ciel 96.2. Bienvenue dans Electric Shock, votre magazine mental du mardi soir. Eh bien, je suis ravi de vous retrouver après ces petites vacances, qui m'ont fait beaucoup de bien. J'imagine que pour vous aussi. Et donc, ça y est, c'est terminé. Les vacances, c'est du passé. Donc, on est retourné au turbin ou à l'école. Enfin, bref, voilà. Donc, je pense que 2 heures de métal vont nous faire le plus grand bien. De toute façon, on n'a pas besoin d'être en vacances ou de travailler. Du métal, ça s'écoute quand on veut. Donc, pour les retrouvailles ce soir, eh bien, après donc ces 5 semaines d'interruption, nous aurons des nouveautés, 5 ce soir. Et aussi, on va se faire des petits détours. J'ai ressorti aussi des petites choses un petit peu anciennes, histoire de se rappeler de la boîte à souvenirs. Je vais vous donner aussi quelques mots du concert d'Halloween qui a eu lieu mardi dernier à l'Olympia, en compagnie d'Existence, qui a été vraiment fabuleux. Enfin ça, on en parlera tout à l'heure. Vous êtes prêts? Vous êtes bien installés? Vous avez envie de vous décrasser les oreilles? Eh bien, on va commencer tout de suite avec ce qui sera la première nouveauté de la soirée, le premier morceau de ce soir. C'est le nouveau live de Blackstone Cherry, Live from the Royal Albert Hall, Hear Hall, qui est sorti fin juin dernier, donc double CD plus Blu-ray, et qui est enregistré donc au Royal Albert Hall, la salle mythique de Londres, en octobre 2021, on était encore en pleine pandémie, on va dire, voilà. Blackstone Cherry n'a pas eu peur de braver les éléments et d'aller donner quelques concerts ou du côté de la perfide Albion où ils sont vraiment un groupe vraiment majeur là-haut. Alors Blackstone Cherry, vous savez, c'est un groupe pour qui j'ai une particulière affection parce qu'en fait, ils ont sorti leur premier album en 2006, soit quelques mois après que Electric Shock commençait. Donc en fait, on a presque débuté ensemble et dès le premier album, j'ai vraiment accroché à ce mélange de rock sudiste, de rock mainstream avec un son très moderne. J'ai toujours suivi leur carrière avec attention et je dois avouer que jusqu'à présent, je n'ai jamais été déçu de tout ce qu'ils ont fait, même si je reconnais qu'il y a des albums qui sont moins forts que d'autres. Enfin, toujours est-il que c'est un groupe vraiment qui mérite son succès et qui mériterait même, je pense, d'être davantage connu. Alors ce live, il est très intéressant parce que c'est un bon petit panachage de toute la carrière de nos habitants du Kentucky. Le seul reproche que je lui ferais, vous savez, ça c'est mon côté tatillon, c'est que il n'y a pas assez d'extraits de The Human Condition, leur dernier album qui est sorti en octobre 2020. Donc c'est le seul reproche que je ferais à cet album, vraiment, ce live particulièrement. C'est juste leur deuxième album après 7 albums studio et 2 EP. C'est une bonne moyenne. Eh bien, on va découvrir tout de suite avec un extrait justement de The Human Condition en live, Blackstone Cherry avec Ringing in My Head. If you don't mind, we'd like to introduce y'all to the human condition. People, your intentions and pain. I need to tell the real about a new disease. It's creeping out from beneath the nose. And what happened has it already known. You got a ring, like a ring. Like I Roll, le classique de Blackstone Cherry qui initialement figurait sur l'album Between the Devil and Deep Blue Sea en 2011. Et là, c'est en live, tout chaud, tout bouillant. Extrait donc du live from the Royal Albert Hall, Hay Hall. Et juste avant, toujours Blackstone Cherry avec Ringing in My Head, extrait donc de ce même CD plus Blu-ray, sorti au mois de juin dernier. D'ailleurs, si vous aimez Blackstone Cherry, ils seront en concert à Paris au Trianon le 5 octobre prochain. Et bah tiens, puisqu'on parle de concert, je vais vous dire quelques mots du fabuleux concert qu'Helloween a délivré à la capitale mardi dernier dans un Olympia bondé. C'est vrai qu'il y avait énormément de monde. Et Helloween qui avait en première partie les petits Frenchies de Existence qui nous ont délivré un show vraiment fabuleux. Mais ça, je vous en reparlerai un petit peu tout à l'heure. Bah, Helloween, ils ont mis vraiment les petits plats dans les grands. On pensait, je ne savais pas si après la tournée Pumpkins United, ils allaient continuer sous cette voie-là ou reprendre leur petit chemin habituel. Et en fait, ils ont décidé de continuer à cette personne. On a eu un excellent album sorti au mois de juin l'année dernière, dont on a passé d'ailleurs moult extraits dans l'émission. Et du coup, le groupe a décidé de continuer un mélange de la tournée précédente avec quelques morceaux de ce dit album. 4 morceaux seulement ont été joués. C'est vrai que sur le coup, on se dit c'est pas beaucoup, mais enfin bon, en ouverture, on a eu droit au fabuleux single Skyfall qui fait quand même 12 minutes. Et sinon, on a eu beaucoup d'extraits de Keeper of Seven Keys partout, des petites surprises aussi. Par exemple, How Many Tears est revenu à cette liste. Bon, il faisait partie de la tournée Pumpkins United, mais enfin bon, on pensait que ça allait pas revenir. Keeper of Seven Keys partout aussi, malgré ses 13 et 14 minutes. Perfect Gentleman, etc. Enfin, toujours est-il que Kiske et Andy Deris se partagent le chant de façon équitable et on sent vraiment la bonne humeur. Enfin, un concert de 2h15, vraiment fabuleux. Je pense que pour moi, ce sera certainement le concert de l'année. Enfin, l'année n'est pas terminée non plus, mais sans me tromper beaucoup, je pense qu'il va faire partir du top. Et bah, je vous disais qu'il y a très peu d'extraits de l'album Helloween. Enfin, vous savez, quand on a une carrière comme Helloween, enfin, moi, c'est tout ce que je pense, il pourrait jouer 4 heures, je ne serais même pas encore satisfait. Bah, faire un petit extrait de l'album éponyme sorti l'année dernière, c'est Mass Pollution, bah, des extraits qui a été joué aussi mardi soir. How you doing, buddy? Great, Carolyn. Doing any better would be a sin. Look sharp today, boys, especially you rookies. Nick Connie Index posed up 90 points last night. We expect heavy Japanese buying on the opening. Firm has 200,000 steel for sale, a million big blue, 350,000 pork and beans. Get on the horn with your institution. Report on their appetite for these utilities are our top priority today. Okay, let's go to work. They're off and running. avez deviné de quoi il s'agit, vraiment, vous êtes très très fort, parce que là, je dois avouer que j'ai cherché ça très très loin dans mes archives. Groupe Chroming Rose à l'instant avec Heroes of the Modern World, extrait de leur deuxième album Garden of Eden, sorti en 1991. Alors, un petit peu d'histoire. Chroming Rose, c'est donc un groupe allemand qui s'est formé en 1985. Qui a sorti un premier album qui s'appelle Louis XIV en 1990. Ils étaient signés chez EMI, excusez du peu, EMI Allemagne et EMI Japon. Donc très influencé Halloween, bien sûr. Et en même temps, cet album, comme on peut dire, justement, le fait qu'il y ait EMI, Tommy Hansen, etc., ça joue beaucoup. Deuxième album un peu plus élaboré, Garden of Eden, dont on a eu un extrait là ce soir. Toujours avec la même équipe. Bon, le groupe, par contre, n'a pas rencontré un succès grandiloquent. Après un changement assez radical pour le troisième album, Pressure, où le groupe s'est quelque peu américanisé, mais malheureusement sans guère plus de succès, enfin du moins en Europe. Sorti de l'Allemagne, je pense que personne, pas beaucoup de monde n'ont dû entendre parler de ce groupe. Et après, ils ont été lâchés par EMI, ils ont ressorti deux albums, mais ils ont splitté dans l'indifférence la plus totale en 1999. Et depuis, on est sans nouvelles de ce groupe. Enfin, si vous êtes amateur de heavy metal mélodique à la Halloween, moi je vous conseille vraiment d'essayer de retrouver ces deux premiers albums qui étaient Louis XIV et Garden of Eden. Voilà, ça c'était pour la partie d'histoire. Juste avant Chroming Rose, c'était Halloween avec son album Halloween, tout simplement, sorti donc l'année dernière, donc beaucoup plus récent, et c'était le morceau Mass Pollution. Et d'ailleurs, si vous voulez un petit live report sympa du concert d'Halloween, un peu plus complet que ce que je vous ai raconté, je vous invite à aller faire un tour sur le site Metalize, où mon ami MP a fait un excellent compte-rendu avec beaucoup de belles photos d'ailleurs aussi. Continuons toujours en live avec ce qui était une des nouveautés lors de la dernière émission avant les vacances, avec le live des Stooges, Fire of Life, donc sorti au mois de janvier, au mois de juin dernier. Compile de différents extraits, on est de choses. Ce live fait penser un petit peu à un bootleg de luxe, puisqu'on y trouve donc deux concerts mixés, un de Sydney à 2006, de Nouvelle-Orléans 2003. Du live en studio, en répétition, et aussi un petit concert un petit peu improvisé chez un petit magasin de disques. Donc le tout avec un son très très brut, sorti de table. Là, on va aller faire un tour à Sydney en 2006, et le groupe mené par Iggy Pop nous interprétait Loose. Troy, hein, cette petite doublette des Stooges, Down on the Streets et Lose, extrait donc de ce live, A Fire of Life, sorti au mois de juin dernier. Continuons toujours en live, bien Destroy aussi, avec les Nitro Gods qui viennent de célébrer donc leurs 10 ans de carrière avec un petit live décapant qui s'intitule 10 Years of Crap, que je vous ai présenté déjà depuis plusieurs semaines avant les vacances, si vous vous souvenez. Mélange d'ACDC, de Motorhead. Originalité, on va dire 0 sur 20, mais efficacité, peut-être pas 20 sur 20, mais un bon 17 sur 20, sans problème. Donc, extrait de ce live, Rats and Rumors. Take it to the highway. We'll be right back. damit die Nitrogots jetzt wieder alle gleichzeitig anfangen, brauchen wir ein bisschen Hilfe von euch. Ihr müsst einfach nur alle auf einmal gleichzeitig Take it to the highway sagen. Ich zähle bis drei und sagt ihr, Take it to the highway. Eumel, stell das Bier ab, mein Junge. Seid ihr bereit? Eins, zwei, drei. Nein, alle auf einmal. Alle zusammen, wie eine Stimme. Das könnt ihr doch. Eins, zwei, drei. Bien sûr, Radio Arc-en-Ciel 96.2, l'émission qui arrache les neurones et balance. On a arraché quelques-uns avec la petite doublette de live de Nitro Gods, 10 Years of Crap Live, Take It to the Highway et juste avant Rats and the Rumors. Deuxième nouveauté de la soirée, donc là avec du heavy classique, avec un groupe légendaire qui nous vient de très très loin, puisque c'était les Japonais de Loudness qui nous reviennent là avec leur 28e album studio. Et oui, quand même, excusez du peu. Loudness qui a maintenant un peu plus de 40 ans de carrière quand même et qui est vraiment là-haut, on va dire presque des demi-dieux, qui nous reviennent donc avec un double album, c'est leur premier je crois de leur carrière, un album mélangeant à la fois des titres en anglais et des titres en japonais, ce qui n'est pas toujours évident parce qu'on avait souvent soit des versions anglaises, soit des versions japonaises. Et c'est vrai que Loudness, bon, il y a beaucoup de leurs albums qui ne sont disponibles qu'en import japonais. Là, je pense, et depuis le précédent, là, en 2018, Rise to Glory, qui était enfin sorti en passage européen, je pense que maintenant c'est bien parti. On a eu le live qui était sorti l'année d'après. Alors cet album, bon, ne vous fiez pas à cette pochette avec ce samouraï un peu kitsch de dessiner. Par contre, le contenu, ben, je dois avouer que je suis un peu déçu quand même. Alors le savoir-faire, il est là. Akira Takasaki est toujours aussi inspiré entre Randy Rhoads et Eddie Van Halen, c'est sûr. Il y a des morceaux, des intros sympas, mais en fin de compte, je sais pas, une impression de déjà entendu. Enfin, je dois avouer que j'arrive pas à accrocher plus que ça. C'est bien fait, c'est bien produit. Il y a des bonnes choses, certainement, mais voilà, c'est un album de plus, c'est pas un ratage non plus, faut pas exagérer non plus. Eh bien, je vous invite à découvrir cet album avec le morceau, alors j'espère que mon japonais, Nihon no Koro, ce qui apparemment voudrait dire The Heart of Japan, donc le cœur du Japon, extrait donc de cet album. Allez, je vous invite à découvrir tout de suite. Oh, que c'est bon. Ça, je dois avouer que je m'en lasse vraiment pas de cet album depuis sa sortie en fin d'année dernière. Existence avec Power of the God, extrait de Wolf Attack. Donc Existence qu'on a eu la chance donc de voir en première partie d'Halloween mardi dernier à l'Olympia. Ils ont délivré vraiment un show hyper carré, vraiment tendu. Je pense que les gens qui ne connaissaient pas ont dû repartir là en se disant putain, faut que j'achète l'album demain, parce que vraiment ils ont profité de cette opportunité à mon avis pour se faire pas mal de potes, ce qui a dû être le cas déjà lors de leur passage Wellfest, d'après ce que j'ai cru lire. Alors c'est vrai que sur scène, quand on voit Existence, on a l'impression de faire un bond en arrière de 30-35 ans. Le look est là, typiquement métal du milieu des années 80, mais ça fait pas ressucer, au contraire, c'est tellement bien assumé que ça passe très très bien, et un groupe vraiment à suivre. D'ailleurs, Existence, ils vont quand même assurer toute la première partie de Udo Dirkschneider, tournée européenne de 47 dates quand même, excusez du peu, qui va commencer au mois d'octobre. Ça va, je pense qu'ils vont se faire tailler la part du lion avec un gugus comme ça. Juste avant Existence, eh bien, c'était Loudness avec un extrait de l'album Sunburst. Donc la deuxième nouveauté de la soirée, c'était donc le morceau Nihon no Kokoroe de Heart of Japan. Alors, vous allez peut-être me dire, j'ai peut-être été un peu dur envers nos nippons préférés, c'est vrai, mais bon, ils ont fait tellement de choses vraiment géniales que cet album m'est resté un petit peu sur la fin. C'est vrai que si vous ne les connaissez pas du tout et que vous découvrez cet album, vous allez dire, oh quand même, il est dur. C'est vrai. Que, bon, c'est le savoir-faire, c'est clair. On continue toujours avec encore une nouveauté, avec un nouveau live de Def. Et oui, là, au mois de juillet, la légende du Death Metal, posthume maintenant, a sorti 4 lives en même temps. Des lives vraiment, par contre, on peut dire que c'est vraiment des bootlegs. Donc on a eu droit à un concert de 88, là, que je vous ai présenté juste avant les vacances. Là, pour ce soir, on va aller faire un petit tour au Mexique, à Tijuana, au mois d'octobre, où la légende américaine jouait pour présenter son troisième album qui était Spiritual Healing. Donc ce soir, je vous invite à découvrir d'extrait de ce live qui s'appelle, alors tout un programme, Non Analog On Stage Series, Tijuana, October 6, 1990. Donc avec deux extraits donc de Spiritual Healing en live. Alors la qualité sonore n'est pas top, ça c'est clair, hein, c'est plutôt de la lo-fi plutôt que de la hi-fi, mais par contre, au niveau des potes, ça le fait. Donc Def, c'est tout de suite maintenant. Electric Shock, c'est sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 tous les mardis soirs entre 19h et 21h. Et Electric Shock, c'est l'émission qui vous ramène les conduits auditifs jusqu'au sang. Et je pense que ça a été le cas avec cette doublette de Def, enregistrée à Tijuana en 1990 avec deux petites douceurs, Within the Mind à l'instant et Living Monstrosity. On va calmer un petit peu le jeu et on va revenir à la compile United Guitars volume 3. Et on va dessus, on va se faire un morceau instrumental du guitariste Richard Daudet. Alors Richard Daudet, c'est ni plus ni moins que le guitariste et directeur de l'école Guitar Academy à Nîmes, une école vraiment très cotée. Et là, il nous décoche un petit instrumental vraiment sympa qui s'appelle Morning Star. Extrait de la compilation United Guitars Volume 3. C'était donc le morceau Rich Morningstar, exécuté par Richard Daudet. Faisons un petit tour dans le temps. Retrouvons-nous en 1978 à Sydney, où Thin Lizzy délivrait un concert d'anthologie avec un line-up un petit peu particulier, puisque au lieu de Brian Downey à la batterie, il y avait Mark Nocif et surtout Gary Moore à la guitare, qui remplaçait Brian Robertson. Donc, va revenir donc au CD-DVD qui est ressorti là au mois de juin dernier, et avec en plus des titres bonus qui n'existaient pas sur la précédente version qui était sortie il y a de ça presque 20 ans. Donc, voici un petit extrait de Jailbreak avec le classique Warriors, remasterisé avec un son vraiment terrible. We'll be right back. Jackson avec Brand New Day, extrait d'un live intitulé Live in London 2000, sorti donc dans cette même année 2000. Et ça, c'était en hommage donc à Nicky Moore, qui fut le chanteur de Samson dans les années 80 et qui a eu la lourde tâche de remplacer Bruce Dickinson après son départ pour Iron Maiden et qui n'avait pas démérité. Et donc Samson, qui s'était reformé à cette époque-là pour une tournée pour les 20 ans de la New Wave of British Heavy Metal. Ça fait bizarre d'ailleurs de penser quand on voit le line-up de cette époque-là, car Paul Samson a disparu depuis plus de 20 ans, et Chris Elmer, le bassiste, n'est plus de ce monde non plus. Il ne reste plus que le batteur Tindersticks, qui est encore de ce monde. On aura également une petite pensée aussi pour Steve Grimmett, qui fut le chanteur de Grim Reaper dans les années 80. R.I.P. Juste avant Samson, c'était donc Thin Lizzy en 1978 avec Warriors, extrait du CD-DVD de Boys Are Back in Town, live at the Sydney Opera House, October 1978. Quatrième nouveauté de la soirée pour continuer, avec le deuxième album solo de Rosalie Cunningham. Alors là, on va faire un tour vraiment au tout début des années 70. On est plus proche de Grateful Dead et de Janis Joplin, voire même du Jefferson Airplane qu'autre chose. Rosalie Cunningham, pour vous situer, c'était donc la chanteuse du groupe Purson. Donc elle continue dans la même lignée avec son deuxième album solo qui s'appelle Two Piece Puzzle, qui est sorti en début d'année. Et là, on va se faire un truc très psyché qui s'appelle Tristitia Amnesia. tree and leave a clue to be the kind of thing I do. Circles in me like rings in wood, chop off my head and you could find it. Lumberjack man, try it. Amnesia, ça c'était un extrait de Two Piece Puzzle, le deuxième album solo de Rosalie Cunningham et quatrième nouveauté de la soirée pour Electric Shock ce soir. Bon bah, rangez l'encens et le patchouli, passons maintenant à quelque chose d'un peu plus plombé et on va revenir à l'album de Travel, Revelations of the Insane, Demos and Rarities, et on va se faire un petit enregistrement inédit, resté en démo, de 1994, Long Shadows Fall. la faille spatio-temporelle. On était en 1992, année où le groupe culte Mania Rose sortait son 10e album solo The Circus Maximus, et c'était le morceau Murder by Degrees. Alors, si vous êtes fan de Mania Rose, cet album est ressorti en 2021 avec une pochette différente, deux morceaux inédits, une démo et un rough mix, et un DVD inédit enregistré fin 91. Culte de chez Culte également, Trouble, avec un extrait de son dernier album Revelations of the Insane, Demos and Rarities, Long Shadows Fall, qui était un enregistrement inédit de 1994. Si vous êtes fan de rock progressif, et ben dimanche, vous savez ce qu'il vous reste à faire, et ben il s'agit d'aller à la machine du Moulin Rouge, où les Polonais de Riverside font fêter leur 20e anniversaire. Et ben nous aussi, on va fêter leur 20e anniversaire, avec le morceau Volteface, extrait de l'album Second Life Syndrome, un de leurs classiques, en version live, enregistré en 2008 en Pologne, extrait de l'album Reality Dream. Inside, in darkness I float. Riverside avec Volteface, extrait donc d'Alive, sorti en 2008, Reality Dream. Donc si vous avez envie de célébrer les 20 ans d'existence du groupe polonais, c'est dimanche soir à la machine du Moulin Rouge. On va se faire la dernière nouveauté de la soirée. Là, on va faire comme du vieux avec du neuf, quelque part, avec les Black Crowes. Les Black Crowes qui nous reviennent avec un EP de reprise, dont le concept est simplement que ce sont des morceaux enregistrés en 1972, donc il y a 50 ans exactement. Donc on a comme reprise, on a les Rolling Stones, T-Rex, Rod Stewart, Little Feat, David Bowie, Temptation. Excusez du peu, quand on connaît l'amour du rock et de la soul de nos corbeaux préférés, c'est clair que ces morceaux-là vont le faire. Et pour ce soir, je nous ai choisi une reprise de David Bowie, le classique Moon Age Daydream de Ziggy Stardust. On découvre ça maintenant. Yeah. des classiques, hein, Suffragette City, David Bowie, extrait donc de The Guitar Stardust, sorti en 1972. Voilà, c'était donc le dernier morceau d'Electric Shock ce soir. Eh bien, merci d'avoir été une fois de plus à l'écoute. Moi, j'ai été ravi une fois de plus d'être à l'antenne. J'espère que vous avez passé un bon moment. Et la semaine prochaine, bah, j'espère vous retrouver encore plus nombreux avec bien d'autres surprises, bien évidemment. Portez-vous bien d'ici là, écoutez Plein de Métal et Radio Arc-en-Ciel. Et je vous dis à mardi. Salut à tous! Seca meter ali no corredor central, onde está Batubinska, o jogador que já passou pelo futebol português, esteve ao serviço do Famalicão durante várias temporadas. A passe longa, atenção, aparece ali o corte. Oi! Algo defeito.